sais vivre ma vie, donc ne me parle pas de mort. Trop de ratures sur mes textes, j'arriverai à mes fins même si je dois le faire en morse. J'ai quatre exemples dans ma vie, mes parents et mes deux sœurs. J'écris avec une connaissance vite, mais pas besoin d'être moi, j'écris seul. Mes sentiments dans un portable, un ordi ou une feuille. Je me bats pour des causes potables, car dans ma vie y a pas qu'une faille. Donc je me lance à l'assaut et je me prends des coups de râteau. Trop de pensées négatives, détruis la pyramide, ma flot à coups de marteau. Et dans un jour métro boulot dodo, il peut y avoir un choc. C'est à l'annonce d'une mort que tu vois que ton père est en rock. Te cache pas pour pleurer, même si le regard des gens est unanime. Si la parole ne convainc plus le monde, eh ben tu parles en mime. Yeah. Pourquoi les gens sont silencieux sur des choses graves? Pourquoi je fais un grand sourire quand ma situation rétrograde? R.I.P. On dit que la vie est courte, je vis la mienne en CDI. Tu peux poster des statuts Facebook ou pleurer sur des meurtres en série. C'est dur de ne pas se lamenter sur son sort quand une flamme s'éteint. Même si ton cœur est en pierre fort, tu ne seras plus rien. Donc je dis R.I.P. R.I.P. à nos rêves, à notre entourage. R.I.P. Ne retiens pas tes larmes, cache tes sentiments. Pour voir revenir des hommes et des femmes pleurer sur le divan. Les mêmes personnes qui deux jours avant critiquaient le défunt. L'hypocrisie est la même au début ou à la fin. Donc ne déprime pas, vis la vie avec le sourire. N'attends pas ton heure, éclate-toi jusqu'au dernier soupir. Cela faisait bien longtemps que je n'avais pas pris un stylo. Mes textes informatisés, mes textes diront. Yeah. On aime le passé mais faut affronter les responsabilités. Culpabiliser sur ses erreurs est une mauvaise idée. Mauvaise idée. Je regarde le ciel et je me pose des questions. C'est mes ambitions qui me font faire des introductions. Pourquoi les gens ne sont pas pareils entourés? Pourquoi je devrais attendre 16 mesures pour m'arrêter? Donc je dis R.I.P. F.G. Même si je te connaissais pas bien. Yeah. On dit que la vie est courte, je vis la mienne en CDI. Tu peux poster des statuts Facebook ou pleurer sur des meurtres en série. C'est dur de ne pas se lamenter sur son sort quand une flamme s'est éteinte. Même si ton cœur est en pierre fort, tu ne seras plus rien. Donc je dis R.I.P. R.I.P. à nos rêves, à notre entourage. Tu vas fondre en larmes, même si on t'encourage. D.K. Yeah. R.I.P. On dit que la vie est courte, je vis la mienne en CDI. Tu peux poster des statuts Facebook ou pleurer sur des meurtres en série. C'est dur de ne pas se lamenter sur son sort quand une flamme s'éteint. Même si ton cœur est en pierre, fort, tu ne seras plus rien.